Comment est-ce qu'on apprécie à votre niveau aujourd'hui, Dassi Debidounte, cette véritable action stratégique qui est mise en place aujourd'hui par ces deux pays? Est-ce qu'elle a les coudées franches pour véritablement renverser les différentes dérives, qu'elles soient celles de l'ONU, mais encore, ou alors davantage celles de la CEDEAO? Oui, merci. Pour le nom, je dirais que c'est Dassi Debidounte. Dassi Debidounte. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la situation au Burkina, je ne sais pas quoi dire encore, parce que ici, j'étais en avant, je disais, d'abord, pour le Mali, je passais tout mon temps ici à dire qu'ils n'ont qu'à quitter la CEDEAO, ils n'ont qu'à faire partie de l'aménagement. Avec la fin de l'aménagement, le premier contrat, ils ne l'ont pas fait, ils ont renouvelé. On est toujours d'actualité. La question CEDEAO est toujours là. Maintenant, pour le cas burkinabé, je pense que sur ce plateau, j'avançais des idées. On pensait que j'étais dans la liste tribaliste. J'ai dit non. Je connais la sociologie du Burkina, je connais l'histoire du Burkina. Et aujourd'hui, tout le monde est devant les faits. Et si vous vous rappelez, dès le coup d'état de Damiba, toute première émission qu'on a fait à chaud, j'ai dit non. Il ne peut pas régler les problèmes du Burkina parce qu'on se connaît. La situation dans laquelle nous sommes, on sait d'où pourrait venir la solution. Aujourd'hui, vous-même, vous voyez l'arrivée du président Ibrahim Traoré, ce que ça a créé comme renouveau. Et aujourd'hui, avec la marche d'hier, tout le monde finalement a compris. Donc, pour vous dire que, du point de vue des acteurs, nous sommes dans un contexte où on a eu la chance d'avoir des leaders qui ont la même volonté, c'est-à-dire libérer leur pays. Donc, en ce qui concerne le Burkina, je ne reviendrai pas sur ça, mais la vérité est là, tout le monde connaît la vérité aujourd'hui. Et donc, il faut aller de l'avant. Mais maintenant, il faut travailler de fond en comble pour refonder nos États. Et pour le cas particulier du Mali, je pense que c'est une chance inouïe. Et si le Mali et le Burkina ne s'unissent pas, ne travaillent pas dans le fond, je ne pense pas qu'on aurait encore cette chance-là avant 50 ans ou 100 ans. Voilà, parce qu'il faut le dire ouvertement. Le problème des leaders politiques africains est qu'ils ne connaissent pas l'histoire de leur peuple, ils ne connaissent pas leur culture. Et quand les gens veulent agir, soit ils se replient derrière, soit disant leur religion, et ils oublient l'Afrique fondamentale, l'Afrique profonde. Le Mali, c'est un peuple africainement très profond. Moi, je ne vois pas le Mali en termes de l'islam ou en termes de religion musulmane. Je vois le Mali en termes d'africanité pré-islamique, pré-coloniale. Parce que le Mali a connu sa grandeur avant l'islam. Et aujourd'hui, les Maliens tentent à se faire plus islamisés que pré-africains. Donc, pourquoi j'ai dit que c'est une chance inouïe? Parce que ces deux pays, dans l'histoire, on n'a jamais voulu qu'ils s'entendent. Et aujourd'hui, on a en tout cas deux présidents qui ont la même volonté, qui sont presque de la même culture, sinon que la même culture. Parce que les Maliens étaient très contents de voir que quand le président Ibrahim Traoré est allé au Mali, l'interview qu'il a donnée, le fait qu'il a parlé le Bambara, une langue bien parlée en Afrique occidentale, tout le monde était ravi parce qu'ils se sentaient désormais qu'ils ont un interlocuteur. Et je vous disais ici que si Rochmar Christian Kabore était de la zone de Bobo au Burkina Faso, il n'allait jamais accepter qu'on prenne des mesures contre le Mali. Parce que le Mali, le Burkina et le Mali, ce sont deux peuples que personne ne peut séparer ou personne ne peut mettre en conflit. Parce que culturellement, quand vous partez dans la zone de Bobo, ce qu'on appelle l'Ouest du Burkina, c'est le même peuple. Mais on avait ce problème-là. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde sait de quoi il s'agit. Et on peut avancer. Donc, voici le côté culturel. Ce qui fait que ces deux peuples s'entendent. Historiquement, ils ont eu à se faire des guerres. Et aujourd'hui, au nom du terrorisme, voilà qu'ils ont deux leaders qui se parlent. Et quand vous regardez les deux pays, de leur côté, en Côte d'Ivoire, on a des troupes. De leur côté, au Niger, on a des troupes. Donc, ces deux pays sont encerclés. Et en matière de ressources, quand on vous parle de Liptako Gourma, je pense qu'une fois ici, sur ce même plateau, j'ai largement expliqué la richesse qui s'y trouve. Quand on dit la zone des trois frontières, en réalité, c'est faux. Voilà. La zone-là n'a pas été délimitée. Il n'y a pas de frontières. Tellement c'est riche, il y a des richesses. on a fait des frontières comme ça pour dire aux gens que non, il y a des frontières. C'est faux. Géographiquement, ce n'est pas une zone qui a été délimitée. C'est pourquoi on a créé l'autorité de l'Utkako Gourma. Et pour pouvoir gérer ces richesses-là, et c'est pourquoi toute la force de la France aujourd'hui est tournée vers cette zone. Donc voici ce qu'on peut dire. Mais maintenant, en ce qui concerne ces questions de CEDEAO, la CEDEAO, pour moi, les deux présidents doivent quitter immédiatement la CEDEAO. Et moi, j'ai toujours dit au pays qu'il faut que le président Ibrahim Traoré retire les troupes burkinabées de l'aménagement pour permettre au peuple malien de booster rapidement l'aménagement hors du Mali. Mais comme je vous l'ai dit, les peuples, les leaders africains manquent de formation historique, manquent de formation idéologique. Parce que quand un peuple n'a pas réhabilité sa conscience historique, il ne peut pas se forger une conscience politique viable. Et c'est ça qui fait qu'on traîne. Et si vous voyez cette question du Sahel, on traîne, c'est parce que les leaders, quelque part, manquent de volonté, d'initiative idéologique pour savoir aussi qu'ils ont la possibilité d'orienter le cours de l'histoire. Et si le Burkina et le Mali aujourd'hui décident de quitter la CEDEAO, vous voyez que la géopolitique change même dans le monde. Parce que si le Mali et le Burkina quittent et ils vont en Union, le lendemain, vous allez voir en Côte d'Ivoire, au Niger, au Bénin, au Togo, partout, des Africains marchent pour dire qu'il faut aller à l'Union. Les gens n'attendent que ça. C'est le même peuple. Mais maintenant, comme on est habitué, on a été formé pour des questions de démocratie, des droits de l'homme, des libertés, et c'est pourquoi on réfléchit dans ce carcan qu'on appelle la transition. Ce qui fait que les leaders eux-mêmes ne réfléchissent pas profondément pour pouvoir refonder l'État sur la base de l'Afrique fondamentale. Je rappelle aux Africains que l'État est né en Afrique. L'État n'est né nulle part. C'est en Afrique que l'État est né. L'union politique, c'est en Afrique que c'est né, avec le pharaon Narmer. Quand vous prenez la zone du Mali, c'est la zone qui a pu donner d'empire et de royaume à l'Afrique. Et quand vous prenez aujourd'hui, ce qui a ruiné le Mali, c'est à partir de l'extérieur. Donc nous devons comprendre que actuellement, c'est une opportunité pour les deux présidents d'aller à l'Union. Moi, personnellement, j'ai dit qu'il faut qu'ils mettent en place un état-major général des deux pays, un commandement militaire commun pour pouvoir avancer. Parce que c'est ça les peuples attendent. Les gens n'attendent plus les discours pour dire qu'on va faire ça, on va faire ça. Il faut aller directement à l'Union. Heureusement, la dernière fois, le président Traoré disait que le Burkina et le Mali maintenant, on partage beaucoup de choses en commun. Les aviateurs maliens peuvent rentrer au Burkina. Donc, on est content. Et maintenant, moi, je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est de travailler véritablement avec les panafricanistes pour pouvoir refonder l'État, refonder l'orientation politique pour pouvoir avancer. Mais s'ils restent dans ce carcan de CEDEAO et en train de faire des ping-pong, ils ne vont pas avancer. Ils doivent se retirer et construire maintenant leur monde à eux. Nous sommes à une nouvelle phase et il faut que les deux pays aient le courage d'aller à l'Union, de sortir de cette réflexion, de dire que c'est la transition, ils auront des élections à organiser. S'ils organisent les élections ou s'ils pensent plus aux élections, c'est qu'ils auraient échoué malgré ce qu'ils ont fait. L'essentiel maintenant, c'est d'aller à l'Union, travailler à forger la population pour les préparer à refonder un autre monde. Pourquoi je le dis? Parce que c'est ça qui nous manque. Ce n'est pas les moyens financiers, ce n'est pas les moyens humains qui nous manquent, mais c'est la conscience, la prise de conscience. Et vous voyez, par exemple, au Mali, quand on a parlé de constitution, les gens sont versés dans la religion. Moi, je voulais dire aux Maliens, ce qui a ruiné le Mali, c'est l'islam. Quand Kankou Moussa a fait son voyage à la Mecque, il a ruiné le pays. Les Sundiata qui étaient ont relevé le pays, ils ont pris des mesures contre cette agression extérieure, parce que la traite transsaharienne avait commencé. Vous savez que ça a commencé au 8e siècle. Dans les années 13e siècle, les Sundiata qui étaient ont reconstruit l'État. Et la charte de Kourouka-Fouga, quand vous lisez, vous allez voir qu'on a dit qu'il ne faut pas même humilier quelqu'un. Mieux vaut tuer quelqu'un que de l'humilier. Parce qu'il subissait déjà de trop l'islam. Donc, ce qui s'est passé à Tombouctou comme révolution scientifique ne doit pas perdre de vue que l'islam a contribué à ruiner le Mali et culturellement et humainement. Donc aujourd'hui, ce que les Maliens doivent faire, c'est de, et les Burkinabés, c'est de travailler dans notre culture pré-chrétienne, pré-islamique. Ça, il ne faut pas qu'on ait honte de le dire. Je le dis toujours ici aux Africains. L'Iran, c'est un pays hautement musulman. Mais l'Iran n'a pas honte de dire au monde occidental qu'eux, ils sont des Perses. Et ils se basent sur l'Empire perse. Donc si nous, on ne peut pas dire que nous sommes des musulmans, mais nous réclamons notre africanité pré-islamique et pré-chrétienne, je pense qu'on ne pourra rien faire dans cette humanité. On va mourir dans le complexe et nos enfants seront encore dans l'esclavage. Donc pour moi, il faut mener des débats culturels vrais. Et vous voyez comment, quand on parle de panafricanisme, quand je dis qu'on ne peut pas, parce que idéologiquement les gens ne sont pas formés, comment le Mali peut se permettre d'enfermer un monsieur comme Doumbi Fakoly? C'est comme l'avait dit De Gaulle, arrêter Jean-Paul Sartre, enfermer Jean-Paul Sartre, c'est comme enfermer Voltaire. Et enfermer Voltaire, c'est comme si on a enfermé la France. Donc, un Doumbi Fakoly qui a travaillé pour la réhabilitation de la conscience historique africaine, la culture africaine, on l'attrape, on l'enferme. Et voilà le problème de nos politiques. Donc, pour dire que les deux pays actuellement, moi, je suis satisfait de l'avancée de leur coopération, mais sur le plan culturel, en tant que panafricaniste, il faut que les Maliens se lèvent. Au Burkina, on a déjà des bases. Voilà. On a déjà des bases sur le plan culturel panafricain et il faut que la jeunesse malienne se réoriente pour pouvoir, en tout cas, booster les autorités à travailler culture. Vous voyez la guerre en Ukraine. Vous voyez comment l'orthodoxie chrétienne russe a amené la Russie à prendre des mesures contre ce qui est l'homosexualité LGBT. Vous voyez que c'est un combat culturel. Mais nous, Africains, quand on aborde ces sujets-là, vous voyez des Africains, tout de façon infantile, qui disent non, la religion est sensible, il ne faut pas aborder tel sujet. Où on a été à l'école des Blancs. On a vu comment la religion aujourd'hui en Europe, on prend l'Église dans les tribunaux, parce que les gens ont compris. On a vu aujourd'hui comment les gens luttent pour que l'Europe réhabilite le fait qu'on les a détruits. Ici, en Amérique, au Canada, aux États-Unis, il y a le combat des populations précolombiennes, ce qu'on appelle Native Americans. Ils sont en train de lutter pour leur réhabilitation. Nous, Africains, on est là assis. Quand on aborde ces questions-là, les gens se permettent de dire que c'est sensible, il ne faut pas les aborder. Donc, la vérité que je veux redire encore au président Traoré et au président Goïta, tant qu'ils ne vont pas travailler dans la culture africaine, tant qu'ils ne vont pas travailler dans l'histoire africaine pour refonder l'État, et c'est de s'asseoir, réfléchir, qu'ils sont là pour la transition, ils vont finir la guerre et partir, le travail qu'ils ont fait là, ça va tomber dans l'eau, parce que quand les politiciens professionnels vont venir, ils vont revendre le pays et on va se retrouver dans la même situation, parce qu'en attendant, l'Occident prépare la guerre contre l'Afrique. Et nous devons aller immédiatement à l'Union. Sans plus tarder, il n'y a pas de débat à faire. Le Mali et le Burkina doivent aller à l'Union pour pouvoir aller de l'avant. C'est tout. C'est comme ça qu'ils peuvent casser la CEDEAO. C'est comme ça qu'ils peuvent changer la géopolitique. Afrique Média, le monde, c'est nous.